Voici une comédie dont on a fait beaucoup de bruit et qui a longtemps été persécutée. Et les gens qu'elle joue ont bien fait voir qu'ils étaient plus puissants en France que tous ceux que j'ai joués jusqu'ici. Les marquis, les précieuses, les cocus et les médecins ont souffert doucement qu'on les ait représentés et ils ont fait semblant de se divertir avec tout le monde des peintures que l'on a faites d'eux. Mais les hypocrites n'ont point entendu raillerie. Ils se sont effarouchés d'abord et ont trouvé étrange que juste la hardiesse de jouer leur grimace et de vouloir décrier un métier dont tant d'honnêtes gens se mêlent. C'est un crime qu'ils ne sauraient me pardonner et ils se sont tous armés contre ma comédie avec une fureur épouvantable. C'est aux vrais dévots que je veux partout me justifier sur la conduite de ma comédie et je les conjure de tout mon cœur de ne point condamner les choses avant que de les voir, de se défaire de toute prévention et de ne point servir la passion de ceux dont les grimaces les déshonorent. Halte là, mon beau-frère! Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez! Je ne le connais pas puisque vous le voulez, mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme, enfin! Qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Ah oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il. C'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel, chez moi, me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend, pour mon honneur, un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle, un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, qu'il se vint l'autre jour, accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Bonjour Stéphane Braunschweig. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes metteur en scène, directeur de l'Odéon Théâtre Europe. Comment est-ce que vous vivez cette période étrange où plus aucune mise en scène ne peut avoir lieu, sur scène en tout cas? C'est une période étrange, surréaliste. On est complètement dans l'incertitude en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a annulé tous les spectacles jusqu'au mois de juin, et là on se demande comment on va pouvoir refaire du théâtre dans les mois qui viennent, en espérant que ça ne dure que quelques mois. Et c'est assez complexe, je dois dire, à vivre. C'est à la fois il y a de la frustration par rapport à tous les artistes qu'on a dû annuler, et puis en même temps on a envie que ça reprenne, on a envie d'imaginer des solutions pour accueillir à nouveau le public, faire des spectacles peut-être adaptés aux conditions sanitaires et qui permettent que le théâtre, qui est un art vivant, un art de la présence, puisse avoir lieu malgré ces mesures de distanciation qui sont un petit peu l'inverse même du théâtre. Et j'informe les auditeurs qui ne seraient pas au courant que l'on peut voir certaines de vos mises en scène sur le site de l'Odéon, dont Le Tartuffe dont nous parlons ce matin et les extraits que vous allez entendre ce matin sont tirés de votre mise en scène qui date de 2008. C'est un choix de votre part d'avoir rendu disponibles ces mises en scène en ligne. Est-ce que c'est une manière de continuer à faire vivre le théâtre autrement? Parce que c'est pas pareil de voir une pièce sur un écran et la voir sur scène. Ben, c'est bien sûr d'abord l'envie de garder un lien avec le public à travers le site, sachant que pour moi le site, la dimension numérique et virtuelle et à distance, c'est pas ça le théâtre, mais il y a beaucoup de gens qui ont un manque de théâtre et ce manque peut être en partie comblé par ces captations. Il y a beaucoup de théâtres qui l'ont fait. Nous, on a mis à disposition plusieurs cycles. Donc, il y a le cycle des mises en scène de Molière que j'ai faites. Il y a aussi des pièces de Pirandello, des pièces de Arne Ligre, des pièces d'Ibsen. Et puis, il y a aussi d'autres spectacles qui sont pas de moi et qui sont aussi tout à fait passionnants. En tout cas, ça fait partie aussi de l'envie de toucher un public vaste, parce que aujourd'hui, bon, les gens sont confinés, ils sont interdits de spectacle, mais il y a beaucoup de gens qui sont loin des théâtres. Ils sont loin parce qu'ils sont loin géographiquement, ils sont loin socialement. Ils peuvent être aussi à l'étranger. D'ailleurs, on a mis plusieurs captations avec des surtitrages, des sous-titrages en anglais. Et voilà, je pense que c'est important pour nous de penser à ces captations comme la possibilité d'aller aussi à la rencontre d'autres publics. Vous avez mis en scène, Stéphane Braunschweig, de nombreux dramaturges. Je pense à Tchekhov, je pense à Ibsen notamment, Pirandello également. Pourquoi avoir choisi de parler de Tartuffe de Molière ce matin? Oh, je trouve que c'est une pièce absolument sublime et fascinante. Bon, j'ai monté donc avant le Misanthrope, plus récemment j'ai monté l'École des femmes. Pour moi, c'est les trois chefs-d'œuvre absolus de Molière, et je mettrais même Tartuffe encore au-dessus des autres. Et pourquoi? J'ai vraiment un faible pour ce Tartuffe qui parle de choses qui m'importent beaucoup, mais surtout qui est peut-être plus que toute autre pièce de Molière, c'est une pièce qui croise les problématiques politiques, sociales, religieuses, métaphysiques, psychologiques, et qui les entrelace. Et dans le théâtre que je fais, l'entrelacement des dimensions est fondamental. C'est-à-dire que je fais jamais un théâtre purement social ou purement psychologique ou purement politique. Ce qui m'intéresse, c'est comment les choses se croisent, comment le psychologique va influer sur le politique, comment une dimension sociale peut transformer la psychologie. Vous voyez, c'est ces croisements en fait qui m'intéressent, et pour ça Tartuffe est une pierre d'angle. J'ai commencé cette émission en lisant la préface de Molière lui-même, qu'il a écrite pour sa pièce. La pièce a connu de nombreux rebondissements. Elle est jouée pour la première fois au château de Versailles en 1664. Elle est immédiatement interdite. Elle est jouée à nouveau en 1667, intitulée L'imposteur. Elle est interdite à nouveau. Et puis encore une fois en 1669. Et cette fois-ci, elle connaît un immense succès. Et dans la préface, il dit « Alors jusqu'à présent, j'ai mis en scène des marquis, des précieuses, des cocus, des médecins. » Tout le monde a ri doucement de ce que je mettais en scène, mais cette fois-ci, je mets en scène un hypocrite et personne ne me le pardonne. Est-ce que c'est ça, pour vous, le sujet de la pièce, l'hypocrisie? C'est vraiment intéressant, cette préface, parce qu'elle est écrite dans le contexte de la querelle du Tartuffe. Donc, à travers cette préface, Molière se justifie en disant que il attaque les hypocrites. On sait que la pièce parle des faux dévots, et il essaye, comment dire, de retrouver un peu de crédit dans la préface, en tout cas auprès des vrais dévots. Le problème, c'est que les vrais et les faux dévots sont pas toujours séparables. Parfois difficile de distinguer ce qui est la vraie et la fausse dévoterie. Si la pièce a été si violemment attaquée, oui, On peut dire d'ailleurs que l'hypocrisie, elle existe aussi chez les marquis et les médecins et tous et les précieux et oui. Tous ceux qu'il a attaqués par ailleurs. La question de l'hypocrisie, elle est aussi au centre du misanthrope, hein, puisque le misanthrope commence par une scène où Alceste attaque son ami Philinte parce qu'il s'est comporté de manière complaisante et donc hypocrite vis-à-vis de quelqu'un de la cour. Donc la cour, c'est déjà un monde forcément, enfin par nature, un monde d'hypocrisie. Quand il attaque les faux dévots, là effectivement il passe à une autre dimension, parce que finalement les gens de la cour, on va dire, sont relativement inoffensifs, d'autant qu'à l'époque de Louis XIV, Louis XIV avait complètement mis au pas sa noblesse. Donc c'est un roi autoritaire et il a parfaitement géré sa cour. En revanche, la question de la dévoterie et en fait derrière de la puissance du religieux sur le pouvoir, ça c'est une nouvelle dimension qui apparaît, qui va apparaître, notamment avec l'influence de Madame de Maintenon, et donc la façon dont le pouvoir royal peut être, comment dire, mis sous l'emprise des bigots et des dévots et des puritains. Ça c'est un vrai sujet politique à l'époque, et c'est pas vraiment étonnant que la pièce ait déclenché une telle querelle. Mais on voit bien que, en tout cas, Molière, il essaye de se frayer un chemin au milieu de tout ça, pour ne pas apparaître comme le fourvoyeur de la religion. Mais quand même, au bout du compte, c'est toute cette question du pouvoir religieux sur le pouvoir du roi qui est en question. Mais au-delà de la question de l'hypocrisie et au-delà de la question des dévots, des vrais dévots et des faux dévots, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la pièce met en scène aussi un phénomène qui, pour le coup, peut nous parler aujourd'hui, même si la religion n'a plus du tout la même place dans la société aujourd'hui qu'elle l'avait à l'époque où Molière écrit ses pièces, qui est le phénomène de ce qu'on pourrait appeler l'emprise. Au fond, Tartuffe exerce un pouvoir redoutable sur Orgon, qu'on a entendu, hein, on a diffusé la scène 5 de l'acte 1, où c'est Orgon, interprété par Claude Duparfait, qui vante les mérites de Tartuffe à Cléante, joué par Christophe Brault. Et le portrait qu'il en propose, et c'est pour ça qu'on a commencé avec ça, est un portrait qui est vraiment, en fait, celui d'un homme, on dirait, sous influence. Il est complètement soumis à Tartuffe, si bien que ce qu'on entend, c'est pas tant le portrait de Tartuffe que le portrait de lui-même sous l'emprise de Tartuffe. Oui, absolument. C'est d'ailleurs ça qui était un peu mon axe de mise en scène. Montrer ce personnage d'Orgon, qui est un personnage qui est en fait, bon, c'est un quarantenaire, il a une femme, une famille, et il est, je dirais, dans une forme de crise existentielle. On voit que c'est quelqu'un qui va pas bien, et sur lequel Tartuffe va pouvoir exercer son pouvoir. C'est-à-dire que la fable de Tartuffe, enfin, si je pouvais la résumer, c'est quelqu'un qui va pas bien et qui va chercher une manière, une façon de résoudre ses problèmes dans ce discours radical de Tartuffe. Orgon, d'ailleurs, il a des points communs avec Alceste, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes, c'est même pas tout à fait le même milieu social, mais il a en commun d'être en crise, de commencer. La pièce commence avec un homme en crise, et cette crise, elle s'exprime par une forme d'indignation. Alceste s'indigne du fonctionnement de la cour. Orgon s'indigne du fonctionnement de sa famille, et ce sentiment, cet affect, on va dire, d'indignation, et moi je dirais qu'il a une certaine positivité. Quand on s'indigne de la marche du monde, on peut parfois faire bouger les choses. Le problème, c'est que la façon dont il est pris lui-même dans ses propres contradictions va l'amener à résoudre ses contradictions ou à les recouvrir par un discours qui est un discours radical intégriste. Et de cette force, de cette capacité d'indignation, il va basculer dans une sorte de discours complètement réducteur, intégriste. Et ça, je dois dire que cette fable-là, elle a beaucoup d'écho avec ce qu'on vit aujourd'hui. Je pensais aussi que l'une des choses qui met à mal et Alceste finalement et Orcon, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à vivre dans une forme d'incertitude. L'incertitude pour Alceste, c'est qu'est-ce que fait Célimène, les sentiments de Célimène. Donc il est contraint à l'incertitude. L'incertitude, c'est quand on ne peut pas maîtriser les choses, quand on ne peut pas les contrôler. On voit ça aussi chez le personnage d'Arnolf dans L'École des femmes. Ce sont tous ces grands personnages de Molière qui étaient d'ailleurs tous joués par Molière, hein, ce qui est un signe. Tous ont un besoin de contrôler l'autre, de contrôler l'altérité. Ils ne supportent pas l'incertitude. Et dès que l'incertitude met son point de son nez, c'est comme un grain de sable dans la machine, et ils perdent pied, ils deviennent fous. Et dans le cas de Orgon, cette incertitude est finalement arrêtée ou comblée par les certitudes que propose Tartuffe. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, dans l'époque dans laquelle on vit, vous voyez, je vous parlais des incertitudes qu'on a quand on veut faire la programmation de notre automne. Il faut vivre avec beaucoup d'incertitudes. Il faut vivre avec une certaine capacité à ne pas maîtriser les choses. Mais pour beaucoup de gens, c'est très difficile, en fait. C'est très difficile de vivre sans certitude, sans maîtrise. Et c'est là que les discours populistes qui vont proposer des certitudes très très simples, peuvent prendre pied, peuvent prendre racine. Donc en ce sens, ces fables de Molière, elles ont aussi cette dimension politique. Est-ce le caractère insupportable de l'incertitude qui conduit à l'extrémisme, au fanatisme, à toute forme de radicalisme? C'est en tout cas la question que pose la pièce, une des questions qu'elle pose, et la manière qu'a Orgon de conjurer cette difficulté de vivre avec l'incertitude, c'est de prendre des décisions qui peuvent paraître absurdes, mais sur lesquelles vraiment il ne veut pas revenir. Il est par exemple convaincu qu'il doit donner en mariage, j'ai pas d'autre terme pour qualifier ce qu'il veut faire, Tartuffe à sa propre fille, Marianne, ce qui n'est pas pour déplaire à tout le monde, et notamment à Dorine, qui est la suivante de Marianne, qui est interprétée ici par Annie Mercier, et qui va, dans la scène que vous allez entendre, la deuxième scène du deuxième acte, expliquer à Orgon pourquoi il est absolument absurde et incohérent qu'Orgon fasse en sorte que Tartuffe et Marianne puissent s'épouser. Écoutez. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est pas l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller? Avec tout votre bien, choisir un gendre gueux. Taisez-vous! S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'enfin, de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. C'est son fief qu'à bon titre au pays l'on renomme. Et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne se lie pas bien avec la piété. Qui d'une sainte vie embrasse l'innocence ne doit point en prôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui. Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences. Sachez que d'une fille on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu, que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leur femme souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle, et qui donnent à sa fille un homme qu'elle est et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère, mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il entre les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde. Et c'est une richesse à nul autre, ce monde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme de vrais enfants, comme de tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un saut, je vous assure. Oui, mais quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que dans votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Sinon, ne vous aimez. Je ne veux pas qu'on m'aime! Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Ah! Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du Tartuffe de Molière ce matin en compagnie de Stéphane Braunschweig, dont vous venez d'entendre un extrait de la mise en scène. La mise en scène qui date de 2008, qui était mise en scène à l'Odéon et que vous pouvez voir toujours sur le site de l'Odéon. Alors dans l'extrait qu'on entend, forcément il y a question de mariage, mais aussi de désir. Et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, Stéphane Braunschweig, parce que ça traverse toute la pièce aussi. Vous aurez remarqué que lorsque Dorine veut défendre les intérêts de Marianne, elle dit « Sachez que d'une fille on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu, que le désir sans d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. » Comme si la vertu même de la femme était entièrement dépendante des qualités du mari qu'on pouvait lui donner. Ça, c'est une chose qu'on retrouvera un peu plus tard lorsque Tartuffe entrera en scène et qu'il va dire à Dorine de couvrir son sein qu'il ne saurait voir. Et elle lui dit, mais vous êtes bien tendre à la tentation. Comme si à chaque fois, c'était l'autre personne qui était l'objet du désir, qui était responsable du comportement de celui-même qui désire. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout Molière quasiment. Oui, c'est des arguments qui sont d'ailleurs en fait assez brillants, parce que quand Dorine dit finalement si vous lui imposez Tartuffe, elle va le tromper. Je ne sais pas si c'est sa vertu qui dépend de l'objet du désir, ou plutôt ce qu'on peut. Enfin, chez Molière, les femmes sont toujours suspectes de tromperie, d'être de mauvaise vie finalement. Et ce que Dorine dit, c'est que c'est pas la faute des femmes, ça, c'est quand même la faute des hommes et la faute des pères. Il y a derrière évidemment cette critique du mariage arrangé, du mariage imposé, forcé. Le mariage forcé, c'est une pièce de Molière qui est un thème très très très très récurrent. Bon, c'est une famille. Il faut dire que c'est une famille un peu particulière, puisque Orgon est veuf et il s'est remarié avec une femme qui est une jeune femme qui est peut-être pas beaucoup plus vieille que ses propres enfants, si on va dire que les enfants sont des grands ados, et puis il a une jeune femme qui a peut-être 25 ans. Elmire. Et en fait, je crois que la question du désir et du sexe, en fait, traverse toute la pièce. Même si sous les apparences d'une pièce qui porte sur la religion, la contrainte, l'ascétisme, en fait, la question du sexe, elle affleure un peu partout. pour ça que d'ailleurs, dans un petit prologue que j'avais fait dans la mise en scène, on commençait par voir Marianne dans les bras de Valère, le fils d'Amis regardant un film porno sur une chaîne cryptée, et on voyait que quand le chat n'est pas là, les souris dansent, puisque au début de la pièce, Orgon n'est pas là. Mais et puis il y a la question du rapport d'Orgon avec sa femme en fait. Il a épousé une jeune femme qui est comme Alceste avec Célimène, il ne supporte pas les visites qu'elle reçoit, il ne supporte pas qu'elle ait une vie mondaine, il ne supporte pas. En fait, il voudrait la voir complètement pour lui, comme aussi. Arnulf avec la jeune Agnès, il faudrait confiner les femmes à la maison. C'est d'ailleurs une pièce qui résonne beaucoup avec notre monde de confiné. On est vraiment à l'intérieur de cette maison, comme à l'intérieur d'un couvent ou à l'intérieur d'une prison. Et c'est à l'intérieur qu'il faut essayer de trouver des espaces de liberté. Je crois que la question de la maîtrise qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus sur sa jeune femme est une des clés pour comprendre sa crise. On voit aussi que quand Orgon impose à sa fille le mariage avec Tartuffe, d'un côté il veut la soustraire à l'amour de Valère, qu'il considère comme un libertin, qui va pas à l'église, etc. Et puis de l'autre côté, il veut la mettre dans les bras d'un homme qu'il imagine être un saint. C'est assez frappant d'ailleurs. Comment il dit ça dans la scène qu'on a entendue. Il dit « Vous serez comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles ». Il y a l'idée d'une relation amoureuse enfantine, sans sexualité. Et je pense que la sexualité dans la pièce est à la fois partout et en même temps un repoussoir, et que ça, toutes ces petites phrases en disent long sur Orgon. Et ça, on peut le dire du théâtre de Molière en général d'ailleurs, qui met en scène des personnages pour qui le désir est toujours quelque chose soit de frustré, soit de problématique. Il y a peu de relations désirantes, on va dire, entre les personnages de Molière qui soient épanouis et assouvis. Soit on parle de mariage, soit de chasteté, mais qu'un homme désire une femme ou qu'une femme désire un homme, c'est toujours un problème quasiment inavoué, qui est en fait le nœud autour duquel tournent les intrigues de ces pièces, en tout cas celle-ci. Oui, c'est vrai que chez Molière, soit les amours sont contrariés, soit elles sont imposées, dans les deux cas ça marche pas. Et puis quand il y a des vraies relations amoureuses, comme c'est le cas, je pense par exemple pour Alceste et Célimène, elles sont très très très très compliquées parce que l'amour c'est aussi emprisonner l'autre, et que la liberté individuelle souffre mal du désir possessif et possesseur du partenaire. Alors on va entendre une scène extraordinaire, qui est la scène où, juste après l'entrée de Tartuffe, qui apparaît donc à la deuxième scène du troisième acte, Tartuffe qui est ici interprété par Clément Bresson, qui est assez jeune dans votre mise en scène d'ailleurs, Stéphane Ponchak. Je pensais pas anodin que le personnage du Tartuffe soit étonnamment jeune. Il va vers Elmire et va s'en suivre une scène de séduction ahurissante, dans laquelle on l'a laissé en entier intentionnellement pour que vous puissiez tous entendre l'usage de la rhétorique dont il fait preuve pour essayer de parvenir à ses fins. Et peut-être, avant qu'on entende la scène, Stéphane Braunschweig, dites-nous ce que l'on voit sur scène au moment où Tartuffe fait ses avances à Elmire et essaie de la toucher même. En fait, ils sont, si je me souviens bien, ils sont assis sur des chaises prie-Dieu. Au milieu de la scène, au départ, les chaises sont écartées, et puis il va rapprocher sa chaise et commencer à prendre ses mains, toucher sa robe. Et ce qui est assez intéressant, enfin, dans la façon dont il le faisait, c'est que Elmire ne s'offusque pas. Parfois, il y a vraiment des actrices qui jouent le personnage en s'offusquant du comportement de Tartuffe, et elle le prend avec beaucoup de placidité et d'intelligence, parce qu'elle se dit

Votre honneur, avec moi, ne court point de hasard. Et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. De leur progrès, sans cesse on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie, déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Comment faites-vous, Stéphane Braunschweig, quand vous mettez en scène ce genre de moment, justement, où l'on entend un personnage qui joue, ça c'est normal, puisque le personnage est toujours l'interprétation aussi d'un comédien, mais qui joue à ne pas jouer. Et ce qu'on entend, en tout cas à la radio, quand on n'entend que le son, c'est une grande sincérité. On est absolument persuadé que Tartuffe, donc Clément Bresson, le comédien, pense chaque mot qu'il prononce. Comment est-ce que vous procédez en tant que metteur en scène pour obtenir cet effet? Quand on travaille sur Tartuffe, on travaille sur ce que c'est que le théâtre, sur ce que c'est qu'un acteur. Un acteur qu'il doit être tout le temps sincère. Donc, si on veut que le personnage de Tartuffe puisse être un faux dévot, il faut qu'il soit sincère, parce que c'est par l'apparence qu'il convainc. Et l'apparence, c'est ce dont il faut se méfier. C'est évidemment sans doute pour ça aussi que cette pièce me fascine autant, c'est que ça parle tout le temps de l'apparence, de la sincérité, du travail du théâtre, et finalement le théâtre, grâce à la vérité de l'interprétation, à la sincérité des acteurs, va nous permettre d'accéder à une vérité qui est derrière les apparences, et c'est bien de ça dont il s'agit. Donc c'est vrai que quand j'ai travaillé avec cet acteur, Clément Bresson, je lui disais mais tu dois être totalement sincère. Et c'est pas si difficile. Enfin, je veux dire, si, c'est difficile de jouer ça et de faire entendre aussi bien ces vers de Molière, mais c'est pas si difficile dans le sens où finalement, il utilise le langage de la religion pour décrire son amour. Donc c'est la déclaration d'amour d'un dévot, qu'il soit vrai ou pas. Et c'est un dévot qui assume une forme de faiblesse. Il dit d'abord que, en quelque sorte, c'est pas, il aime cette femme parce qu'elle est à l'image de Dieu, que c'est une créature de Dieu, que c'est la plus belle chose que Dieu ait faite sur terre. Donc, c'est respecter, aimer cette femme, c'est aimer Dieu. Ensuite, il dit que, évidemment, son désir peut être une tentation du diable, mais finalement, il fait des sortes de pirouettes un peu jésuites, et pour en arriver au fait que cet amour, c'est un amour qui est compatible avec sa dévotion. Et puis après, quand elle commence à lui dire « Non, mais c'est quand même un peu bizarre, votre truc », et qu'il lui dit « Ah, pour être dévot, on n'en est pas moins homme », il va finalement dire que on est tous humains, c'est-à-dire qu'on est tous fragiles, et il va se servir de cette fragilité pour assumer pour dire ses contradictions, et cette sincérité à dire sa fragilité, c'est ce qui est peut-être le plus convaincant. Et puis il y a une autre chose, c'est que par exemple quand il dit à Elmire, dans une forme qui est quasiment grossière, où il lui dit finalement « si je vous désire, c'est parce que vous êtes trop belle ». Oui, c'est de votre faute en fait. C'est de votre faute. D'ailleurs, je me souviens que je le faisais jouer légèrement agressif et grossier ce passage, Ça pourrait être joué de manière plus galante. Là, c'était joué de manière un petit peu agressive. Finalement, qu'est-ce qu'il reprend ? Il reprend le discours éternel de la femme tentatrice. Donc, finalement, c'est le discours religieux. Donc, on entend en permanence le discours religieux à l'intérieur de cette déclaration d'amour. Et c'est là qu'on peut dire que Molière est un génie absolu. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des interprétations qui insistent sur la dimension religieuse, sur cette dénonciation du fanatisme? Je pense notamment à Ariane Nouchkine qui, en 95, avait mis en scène un Tartuffe qui durait 4 heures dans un décor d'extérieur où les personnages évoluaient en tenue islamisante, comme pour dénoncer l'extrémisme qui avait lieu dans cette religion, qui a lieu dans toutes les religions d'ailleurs, mais là c'était son choix. Mais je pense que elle avait tout à fait légitimité à faire ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont l'extrémisme, l'intégrisme devient comment dire, une tentation pour les gens fragiles, en fait. Donc ça m'intéresse plus ce qui se passe chez Orgon que le personnage de Tartuffe lui-même, en fait. Le personnage de Tartuffe, c'est quelqu'un à un moment donné qui est un opportuniste et qui va profiter d'une situation, ce qui peut être le cas d'ailleurs des intégristes religieux. Oui, vous êtes du côté de celui qui est sous l'emprise. Alors justement, on va le retrouver. Il faut savoir que la scène qu'on a entendue dans laquelle Tartuffe séduit Elmire a un reflet, un pendant dans l'acte 4, la scène 4 et 5 de l'acte 4. C'est une sorte de miroir inversé puisque c'est Elmire cette fois-ci qui va séduire Tartuffe pour le faire tomber dans le piège. Et ceci sous les yeux, enfin il est caché mais il entend tout devant les oreilles, on va dire, d'Orgon qui ne peut plus douter alors de l'insincérité de sa femme et qui ouvre les yeux littéralement sur la véritable nature de Tartuffe. Là où ça devient assez drôle, c'est le moment où Orgon va essayer de convaincre sa propre mère, n'en a pas encore parlé, Madame Pernelle, qui est la première convaincue, la première à essayer de convertir toute la maison au bienfait du Tartuffe et qui, elle, ne croit pas Orgon lorsque celui-ci lui dit qu'il a vu de ses propres yeux l'emprise qu'exerce Tartuffe sur lui et sur elle. C'est une scène qu'on pourrait appeler de détartuffiage d'Orgon qui ne convient pas à convaincre sa mère. Écoutez. Qu'est-ce ? Ça pose ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits, chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits et veut, à ma ruine, user des avantages dont ne viennent d'armer mes bontés trop peu sages, me chasser de mes biens où je les transférais et me réduire au point où je les retirais. Le pauvre homme. Mon fils. Je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment ? Les gens de bien sont enviés, toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère ? Que chez vous on vit d'étranges sortes, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce que vous dites ? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui ? On vous aura forgé sans sot compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre. Et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je. Vu. De mes propres yeux, vu, ce qu'on appelle vu. faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Aux faux soupçons, la nature est sujette. C'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Et diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux il eût... Vous me feriez dire quelques sottises. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas si vous étiez ma mère, ce que je vous dirais tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Orgon devient ici l'arroseur arrosé, c'est Dorine qui le dit, hein. Vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas. Ce dont il fait l'expérience dans cette scène avec sa mère, dans laquelle il se comporte comme un petit garçon, on comprend que l'emprise est surtout exercée peut-être par sa mère, hein, sur Orgon qui se vit comme un tout petit enfant à ses côtés. Eh bien, en fait, c'est l'impuissance de la vue. Il le répète, c'est assez comique. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu, ce qu'on appelle vu, faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? La vue ne change rien. Avoir vu quelque chose n'est pas la preuve que cette chose existe pour Madame Pernelle, puisqu'elle répond tout simplement, il faut pas juger sur ce qu'on voit, si bien qu'il n'y a aucun moyen de la défaire de l'aliénation dans laquelle elle se trouve. En tout cas, c'est pas la vue, ce sera peut-être l'action, et c'est là que l'essence du théâtre entre en scène. Stéphane Braunschweig. Oui, c'est une scène que j'aime particulièrement dans Tartuffe, parce que au début de la pièce, ben, finalement Orgon et Madame Pernelle font couple dans leur amour de Tartuffe. Et puis à la fin de la pièce, quand enfin Orgon comprend qu'il s'est fait duper, il voit en Madame Pernelle quelqu'un qui continue à être aveuglé malgré tout. Et c'est vrai que c'est une pièce, et donc c'est son propre miroir, c'est sa mère, c'est son propre miroir. Et dans cette scène, il s'émancipe de sa mère d'une certaine manière, ce qui le met très en colère, comme il le dit lui-même. Et j'aime énormément cette scène qui montre bien que c'est une grande pièce sur l'aveuglement. L'aveuglement, c'est au cœur de toutes les comédies, et en particulier toutes les comédies de Molière, où le personnage principal passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à être aveuglé, et la pièce raconte comment il est finalement, on va dire, éclairé et désaveuglé. Et là, pour revenir sur cette scène dont vous parliez juste avant, dont on n'a pas entendu d'extrait, mais là, il faut aller carrément voir le spectacle, parce que juste à l'écouter, justement, il manquerait quelque chose. C'est une scène où, pour ouvrir les yeux de son mari, Elmire invente un dispositif où il va être sous la table, et donc il ne va faire que écouter, et c'est en écoutant seulement qu'il va arriver à voir. Et c'est ça c'est aussi quelque chose d'absolument génial, avec cette idée que Elmire, pour pouvoir démasquer l'hypocrite, va se comporter elle-même en hypocrite, puisqu'elle va jouer le rôle de la femme qui désire Tartuffe. Donc, pour dénoncer l'hypocrisie, on montre en même temps la puissance de l'hypocrisie. Oui, c'est là où on a la rencontre entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, ce que quasiment seul le théâtre permet. Au fond, c'est ça aussi qui est interrogé. Qu'est-ce qui est le plus fort, ce qu'on voit ou ce qu'on entend? Et finalement, il semble que c'est ce qu'on entend. Enfin, en tout cas, dans le cas d'Orgon, lui, c'est ce qu'il entend qui va le convaincre, et Madame Pernelle, parce que ce que lui a vu ne le convainc pas du tout. En fait, quand il va être sous la table, je crois qu'il rentre dans un monde qui est un monde, presque fantasmatique. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va voir sa femme coucher avec Tartuffe, alors qu'elle a pas vraiment coucher avec lui, mais il va le voir ou le prévoir ou le voir à l'intérieur. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, Madame Pernelle, elle lui dit il fallait attendre d'avoir de justes causes pour dénoncer Tartuffe. Ouais. Et Orgon dit quoi, vous voulez que j'attende que... Et là, il s'arrête parce que ça voudrait dire oui, attendre qu'ils couchent vraiment ensemble, que je les sorte du lit adultère. Et voilà, c'est toujours ce jeu entre voir, sentir, prévoir. Et finalement, la vérité n'est pas toujours là où on la croit, elle est pas toujours dans les faits, elle est aussi dans ce qui traverse, disons dans les courants psychiques qui vont traverser ces personnages, et c'est là que la force de Molière explose. Eh ben, on s'arrêtera sur ces paroles, Stéphane Braunschweig, et on laissera aux auditeurs le soin de découvrir ceux qui ne la connaissent pas, la fin, l'ultime retournement de la pièce du Tartuffe, donc on peut voir en ligne sur le site de l'Odéon dans votre mise en scène. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci à vous. Et on reste sur le thème de l'hypocrisie jusqu'au bout de cette émission. Voici Bob Marley, Hypocrites. Tip for diplomatic, hip for hypocritic, try for trial and tortoise, tap for tap and all is city poets, them are got on me. France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les matins le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, il est une figure que l'on n'a pas cessé d'entendre parler. Pour affronter cette crise sanitaire, on lui a tout demandé, d'être engagé, consolateur, réflexif, divertissant, visionnaire. On lui a fait porter tous les chapeaux, complotiste, donneur de leçons, hors du monde, banal, déconnecté. On lui a à la fois demandé de parler et de se taire, d'être joyeux et sérieux, conscient et léger. Cette figure, c'est l'artiste. Qu'il soit chanteur ou acteur, écrivain ou cinéaste, qu'il ait pris la parole de lui-même ou qu'on l'ait sollicité. Mais pourquoi en attendre autant des artistes ? Bonjour, je m'appelle Vincent Lindon. J'ai été invité à faire part de ma réflexion, qui est la mienne, qui n'est que la mienne. Et j'ai accepté cette invitation avec plaisir. J'ai écrit un texte et qu'on m'a proposé aussi de vous lire. Et donc je vais vous le lire, voilà. Au début du confinement, il y a eu l'écrivaine Leïla Slimani et son journal de privilégiés reclus à la campagne. Au début du déconfinement, il y a eu Constance Debré, également écrivaine, à qui on a reproché d'avoir identifié Crise et repos. Entre-temps, Lou Doyon, Juliette Binoche, Vincent Lindon et j'en passe. Souvent détestés pour leur romantisation de la quarantaine, parfois salués pour leur engagement, les artistes, enfin certains, les plus connus, les plus médiatiques, ont répondu présent pendant la quarantaine, nous offrant le pire et le meilleur pour faire face à la situation. Désœuvrement, conscience politique et peut-être aussi le simple plaisir de partager quelque chose, médias demandeurs ou nous alors publics, avides d'entendre une autre voix que celle des responsables scientifiques et politiques en cette période inédite, peu importe les raisons, les artistes étaient là. Ils étaient là, faisant de leur art un engagement politique et de la politique un art périlleux. Ils étaient là à commenter, à partager grandes colères et petites trouvailles, à imaginer l'après, à s'inquiéter ou à nous consoler. Et comme tout le monde, ça m'a parfois agacée et souvent fait du bien. Pourtant, je me suis demandé, est-ce que j'attends ça des artistes, qu'ils me consolent, qu'ils m'inquiètent ou qu'ils m'éclairent? Est-ce que j'attends quoi que ce soit des artistes en dehors de leurs œuvres? Ont-ils un rôle à jouer en cette période ou au-delà, une attente à combler, une fonction à remplir? Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. En fait, ma question a été celle-ci, faut-il attendre quoi que ce soit des artistes? Je sais que la question est vaste, il faudrait déjà définir ce qu'est un artiste, si tant est que l'on sache déjà définir l'art. Unir en un même concept le musicien et l'acteur, le peintre et le cinéaste. Il faudrait aussi revenir sur toute l'histoire de l'esthétique artiste, de l'artisan à l'artiste contemporain, mais aussi revenir sur tous les mouvements artistiques où le créateur s'est lui-même mis en scène, de l'art pour l'art à l'art engagé. Il faudrait enfin faire une sociologie de l'artiste comme agent social, de l'artiste maudit à l'artiste total. Il existe une foule de travaux à citer sur le sujet. Pourtant, le problème reste là, et on l'a vu, quand un artiste prend la parole, en dehors de son champ bien sûr, de lui-même ou pas, il est toujours suspect, soupçonné de nous prendre de haut, d'être trop dur ou trop insipide, d'en dire trop ou pas assez, de ne pas être voyant ou pas plus qu'un autre, de le faire pour lui et pas pour nous, d'être illégitime ou au contraire d'avoir trop raison, de dire quelque chose d'insupportable. Là est le paradoxe de l'artiste qui n'est plus un artiste, qui en tout cas ne s'exprime plus artistiquement, mais le fait pourtant en tant qu'artiste. Ce n'est pas tant qu'il n'a plus le droit ou la légitimité pour le faire, qu'il ne reste de lui plus qu'un titre d'apparat, qu'il est trop clivant et pas assez esthétique. C'est qu'on est toujours tenté de se demander, mais pourquoi le fait-il? Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Faut-il alors attendre quelque chose des artistes? Faut-il que les artistes nous mettent en attente de quoi que ce soit? Le problème, en fait, est moins celui de l'artiste que de l'attente. Et celle-ci est souvent une expérience déceptive, car il manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose de mal fait. Il y aura toujours une relation d'intentionnalité consciente entre une offre et une demande. Or, quand je lis un livre, quand je regarde un film ou autre, je ne demande rien. Je ne questionne presque jamais les intentions de l'auteur. Je crois d'ailleurs qu'on s'attend rarement à des choses précises. Je ne m'attends pas à être consolé ou tourmenté, je le suis. Je ne m'attends pas à être énervé ou diverti, je le suis tout à coup. Je ne m'attends pas à être éclairé sur le monde, je suis ébloui. Comme par incidence, comme par magie. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions et croyez-moi, c'est un travail considérable. Clara De Giovanni, Manon De La Celle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert qui s'occupe du site. Allez voir le site des Chemins de la Philosophie, c'est une merveille grâce à elle. Thomas Beau a réalisé cette émission aujourd'hui. À la prise de son aujourd'hui, c'était Inès De Bruyne. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour du théâtre. Demain, nous parlerons de Bérénice, de Racine, en compagnie de la metteur en scène Julie Brochen. D'ici là, sachez que vous pouvez comme toujours, mais peut-être plus que jamais, télécharger cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h donc, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.